Arsène Lupin, L'aiguille creuse, de Maurice Leblanc. Troisième épisode. Adaptation Gabor Rassoff. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Arnaud Bédouet, Martin Amic, Geoffroy Lidevent, Paul Barrette, Albert Delpy, Hervé Furic. Le lendemain, l'article ainsi rédigé parut à la une du grand journal sous le titre « La vérité sur le drame d'Ambrumésy ». Le 16 avril au matin, Arsène Lupin, surpris au milieu d'un de ses plus audacieux cambriolages, tombe blessé par une balle. Il se traîne péniblement avec l'espoir acharné de parvenir jusqu'à la chapelle. Là se trouve une crypte que le hasard lui a révélée. S'il peut s'y tapir, peut-être est-il sauvé. À force d'énergie, il en approche, il en est à quelques mètres lorsqu'un bruit de pas survient. Harassé, perdu, il s'abandonne. L'ennemi arrive. C'est Raymonde, la nièce du comte de Gesvres. Au pied de la jeune fille, il y a un homme que la souffrance épuise. Cet homme, c'est elle qui l'a blessé. Va-t-elle le livrer également? Si c'est lui l'assassin de Jean Daval, elle n'hésitera pas. Mais, en phrase rapide, il lui dit la vérité sur ce meurtre légitime commis par son oncle. Elle le croit. Un mouvement de pitié que toutes les femmes comprendront l'entraîne. Se servant de la clé qu'il lui donne, elle ouvre la porte de la chapelle. Il entre, soutenu par la jeune fille. Elle referme, s'éloigne. Désormais, qu'elle le veuille ou non, elle est sa complice. Non seulement elle ne peut plus le livrer, mais il faut qu'elle continue son œuvre, sans quoi le blessé périra dans l'asile où elle a contribué à le cacher. Contredisant sa cousine, elle donne au juge un faux signalement de Lupin, puis elle avertit le chauffeur. C'est elle qui, au moment où j'allais confier au juge mes premières impressions, prétend m'avoir aperçu la veille. Et c'est elle qui, pendant 40 jours, alimente Lupin, lui apporte des médicaments. Le pharmacien du village voisin m'a confirmé ses nombreux achats. Elle, enfin, qui soigne le malade, le panse, le veille et le guérit. C'est donc au château même que Lupin a trouvé le secours qui lui était indispensable, d'abord pour n'être pas découvert, ensuite pour vivre. Maintenant, il vit. Pourquoi alors Lupin, vivant, libre, fait-il des efforts désespérés pour imposer à la justice et au public l'idée de sa mort? Il faut se rappeler que Raymonde était fort jolie. Il arrive alors ce qui ne pouvait pas ne pas arriver. Lupin s'éprend de sa garde malade. La reconnaissance devient de l'amour, l'admiration de la passion. Elle est son salut, le rêve de ses heures solitaires, sa clarté, son espoir, sa vie même. Mais Raymonde est loin de partager ses sentiments. Elle espace ses visites à mesure qu'elles se font moins nécessaires et les cesse le jour où il est guéri. Affolé de douleur, Lupin prend une résolution terrible. Il sort de son repère et le 6 juin, aidé par ses complices, il enlève la jeune fille. Il faut couper court aux recherches. Raymonde passera pour morte. Un meurtre est simulé, des preuves sont offertes aux investigations. Crime prévu d'ailleurs, crime annoncé par les complices. Crime exécuté pour venger la mort du chef. Double avantage, elle sera à lui bien sûr, et si elle passe pour morte, on croira que c'est sa mort à lui que sa bande aura voulu venger. Lupin suit mon enquête. Il pressent que je vais découvrir la crypte, et si la crypte est vide, tout son échafaudage s'écroulera. La crypte ne sera pas vide. De même, pour que la mort de Raymonde soit avérée, il faut que la mère rejette son cadavre. Puisque Lupin le veut, elle le rejettera. Rien ne résiste à sa volonté. Quand on découvre le cadavre de Lupin, je trouve étrange que la pierre fût placée avec une telle précision qu'au premier choc, elle lui pulvérise le visage, de façon à le rendre méconnaissable. Étrange aussi que la seule preuve que ce fut bien le cadavre de Raymonde qui fut rejeté par les flots, soit un bracelet trouvé à son poignet. Je me souviens alors d'un fait divers lu quelques jours plus tôt dans la presse locale. Le double suicide d'un jeune couple d'Américains, puis quelques heures après, la disparition de leur cadavre. Lupin aime et ne veut pas qu'on le sache. Audace folle, il va jusqu'à entreprendre le vol de 2 cadavres pour jouer son rôle et celui de Raymonde. Personne ne soupçonnera jamais la vérité. Personne, sauf moi peut-être. Il tente de me faire poignarder par Bredoux. Un seul point reste obscur. Le vol du document codé, par ce même Bredoux. Pourquoi ? Il n'avait pas la prétention, en le reprenant, d'effacer son contenu de ma mémoire. Alors pourquoi ? A-t-il craint que la nature même du papier ne me fournît quelque indice ? Quoi qu'il en soit, telle est la vérité sur l'affaire d'Ambrumesy. Ainsi donc, Beautrelet, malgré le danger qui pesait sur son père, n'avait pu se résoudre au silence. Le monde entier attendait ses révélations, il parlait. Le jour même de la parution de l'article, un télégramme lui confirmait l'enlèvement de son père. La violence du coup étourdit le jeune Beautrelet. Au fond, il n'avait pas cru à la possibilité d'un enlèvement. Ses précautions étaient trop bien prises. Le coup fut donc presque imprévu et toute la fin du jour, dans la puissance où il était d'agir, il en ressentait le choc douloureux. Du jour au lendemain, il jugea le succès impossible. À ce moment, il fut prêt d'abandonner la partie. Or, un lundi matin, il aperçut sur l'enveloppe d'une lettre qu'on lui renvoyait de Paris une écriture qui le bouleversa. Est-ce possible ? N'y a-t-il pas là un piège que me tend mon infernal ennemi ? Ces mots te parviendront-ils, mon fils ? Je n'ose le croire. Ces mots te parviendront-ils, mon fils ? Je n'ose le croire. Toute la nuit de mon enlèvement, nous avons voyagé en automobile. Je n'ai rien pu voir, j'avais un bandeau sur les yeux. Le château où l'on me détient doit être, à en juger par sa construction et par la végétation du parc, au centre de la France. La chambre que j'occupe est au second étage, une chambre à deux fenêtres, dont l'une presque bouchée par un rideau de glycine. L'après-midi, je suis libre à certaines heures d'aller et venir dans le parc, mais sous une surveillance qui ne se relâche pas. À tout hasard, je t'écris cette lettre et je l'attache à une pierre. Peut-être un jour pourrais-je la jeter par-dessus les murs et quelques paysans la ramassera-t-il. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On me traite avec beaucoup d'égards. Ton vieux père qui t'aime bien et qui est triste de penser aux soucis qu'il te donne. Cuisons. Indre. J'y vais. Bonjour, monsieur. Mmh. Sauriez-vous me dire qui a pu poster cette lettre mercredi dernier ? Ça, ah, c'est le père Charel qui l'a envoyé. Un vieux rémouleur qui fait les foires du pays. Il habite sur le coteau, près du cimetière. On n'a aucune peine à le trouver. Oui, c'est bien moi le père Charel. Et c'est une chance que je l'ai retrouvé, votre lettre. Car elle était sur un sentier que personne ne prend plus, à part moi. C'est pourtant un sacré raccourci quand on revient de la voir, de Romans. Et que voulez-vous ? Les jeunes partent tous en ville. Lutte, par pitié. Donc c'est près du vieux château que je l'ai trouvé. Je me suis dit que c'était bien bizarre une lettre comme ça abandonnée au hasard. Quelques promeneurs qui l'auront sans doute laissé tomber et qui seront bien contents qu'elle soit envoyée. Il faut toujours rendre service à son prochain quand on en a l'occasion. Et Dieu... ce château, quel est son nom ? Le château de l'Aiguille. Le château de l'Aiguille ? Nous sommes bien dans le département de l'Indre, n'est-ce pas ? Nous, oui. Juste à la frontière. Mais le château, lui, est dans la Creuse. Isidore eut un éblouissement. Le château de l'Aiguille. Le département de la Creuse. L'Aiguille Creuse. La clé même du document. La victoire assurée, définitive. La résolution d'Isidore fut immédiate. Il agirait seul. Prévenir la justice, C'était prévenir Lupin. Le bandit avait trop d'antennes, partout des complices. Il emmènerait son père ailleurs et s'en serait fini de ses espoirs de libération. Il feint auprès d'un notaire de chercher une demeure, un château plutôt. Il insinua qu'on lui avait parlé d'un château intéressant dans la région, le château de l'Aiguillon, croyait-il se souvenir, ou de l'Aiguille peut-être. Le notaire le connaissait. Il appartenait à un de ses clients, Louis Valmeras, qui, ne désirant plus l'habiter, le louait à un baron italien, le baron Anfredi. Isidore prétendit vouloir l'acheter. Le notaire lui donna sans difficulté l'adresse de Valmeras, qui habitait à quelques dizaines de kilomètres une somptueuse demeure bourgeoise. Isidore s'y rendit. L'homme lui plut. C'était un trentenaire au visage ouvert et sympathique. Isidore décida de jouer carte sur table et lui fit part de ses soupçons. J'ai tout lieu de penser que mon père est emprisonné au château de l'Aiguille. Et je viens vous demander ce que vous savez de votre locataire, le baron Anfredi. Pas grand-chose. J'ai rencontré le baron Anfredi l'hiver dernier à Monte-Carlo. Ayant appris par hasard que j'étais propriétaire d'un château, comme il désirait passer l'été en France, il me fit des offres de location. Un homme jeune ? Oui, des yeux énergiques, des cheveux blonds. De la barbe ? Oui, terminé par deux pointes. Il a quelque peu l'air d'un prêtre anglais. C'est lui. C'est lui tel que je l'ai vu, c'est son signalement exact. Comment, vous croyez ? Moi je crois, je suis sûr que votre locataire n'est autre qu'Arsène Lupin. Arsène Lupin ? Voilà ce que je vais faire. J'irai seul la nuit, je franchirai les murs, je me cacherai dans le parc. Vous ne franchirez pas aisément d'aussi hautes murailles. Et derrière, deux énormes molosses vous attendront. Mais supposons que vous franchissiez ces deux obstacles. Comment entrerez-vous dans le château ? Les portes sont massives, les fenêtres grillagées. Et puis, une fois à l'intérieur, il vous faudrait un guide. Il y a 80 chambres. Mon père est au second étage, dans une chambre à deux fenêtres. La chambre des glycines, sans doute. Mais comment la trouverez-vous ? Il y a trois escaliers et un labyrinthe de couloirs. Venez avec moi. Écoutez, cela m'amuserait, je crois, d'être mêlé à tout cela. Oui, oui, l'expédition me tente. Le château de l'Aiguille deviendra peut-être célèbre. Tenez, pour commencer, je connais une petite poterne dont mon locataire ne soupçonne même pas l'existence. Voyez la flèche effilée qui domine le château ? C'est elle qui lui vaut son nom de château de l'Aiguille. Les chiens, là ! Là, là, là ! Venez, venez, tout doux, chut, tout doux, les enfants, tout doux. Là, là, là, couchez. C'est bien, chut, plus bouger, plus bouger, bougez plus. Là, là. Dans le vestibule, près d'une veilleuse qui éclairait faiblement, il y avait un homme en faction qui tenait un fusil. Les avait-il vus ? Peut-être. Du moins, quelque chose dut l'inquiéter car il épaula. Cependant, le silence et l'immobilité des choses rassurèrent l'homme en faction. Il baissa son arme. Beautrelet ne voyait plus Valmeras et il avait l'impression que quelque chose allait s'accomplir. Brusquement, une ombre qui bondit sur l'homme, la veilleuse qui s'éteint, le bruit d'une lutte. Beautrelet accourut, un des adversaires se releva, qui lui saisit le bras. Allons-y. C'était Valmeras. Par l'escalier nord. Sans vous, jamais je n'aurais trouvé. Bah. C'est là. Il leur fallut une demi-heure d'efforts silencieux pour venir à bout de la serrure. Avec toujours la crainte de voir arriver un des complices de Lupin. Enfin, elle céda. le père d'Isidore était là, endormi. C'est moi, Isidore. Je suis avec un ami, ne crains rien. Lève-toi et surtout, pas de bruit. Je ne suis pas seul dans le château. Une jeune fille y est aussi enfermée. Oh, Raymond de Saint-Véran. Sais-tu où est sa chambre? Oui, oui, dans le couloir, la troisième à droite. La chambre bleue. La porte est à deux battants, nous aurons moins de mal. Très vite, ils redescendaient tous les quatre, et plus vite encore, ils étaient à l'extérieur, sains et saufs, libres. Ils coururent à la gendarmerie, mais le temps que les gendarmes arrivent à leur tour au château, toute la bande avait disparu. Sans doute, constatant la fuite des otages, les bandits s'étaient doutés qu'on viendrait les prendre. Seul témoignage du passage de Lupin au château de l'Aiguille, une demi-douzaine de bouquets admirables, retrouvés dans la chambre contiguë à celle de Raymonde, auquel la carte de Lupin était à chaque fois épinglée. L'un d'eux, outre la carte, portait une lettre que Raymonde n'avait pas même ouverte. 10 pages de supplications, de promesses, de menaces, de désespoir, toute la folie d'amour qui n'a connu que mépris et répulsion. Une formidable explosion de surprise et d'enthousiasme salua la libération des deux otages. Raymonde libérée, arrachée aux griffes de Lupin. Libre aussi, le père de Beautrelet. Et le secret de l'aiguille creuse publié, connu de tous. La foule s'amusa, se moqua de Lupin. Lupin bafoué, ridiculisé, dégringola de son piédestal. Et Beautrelet fut l'idole. Il avait vu juste. Lupin avait trouvé son maître. Valméras invita ses nouveaux amis dans une de ses résidences de la Côte d'Azur où, enfin, ils goûtèrent à un repos 1000 fois mérité. Peu à peu, Valméras et Raymonde s'éprirent l'un de l'autre. Valméras fut séduit par le charme mélancolique de Raymonde et elle, blessée par la vie, avide de protection, subit la force et l'énergie de celui qui avait contribué si vaillamment à son salut. Ils se fiancèrent et très vite fixèrent la date du mariage. On attendit les noces avec quelque anxiété. Lupin ne chercherait-il pas à reprendre l'offensive? Accepterait-il de bonne grâce la perte de la femme qu'il aimait? Il ne tenta rien. Preuve ultime de sa défaite. Le jour annoncé, Raymonde de Saint-Véran devint Madame Valméras. On organisa un grand banquet. Beautrelet fut le héros de cette apothéose charmante et simple. Il se montra modeste et un peu gêné des éloges où l'on affirmait sa supériorité sur les plus illustres policiers. Dans un discours plein d'émotion, avec le trouble d'un enfant qui rougit d'être regardé, il dit sa joie, il dit sa fierté. Mais, si raisonnable, si maître de lui qu'il fût, il connut là des minutes d'ivresse inoubliables. Il souriait à ses amis, à Valméras, à Raymonde, à son père, au comte de Gesvres, au juge Filleul. Il s'apprêtait à conclure quand un homme, livide, entra dans la salle, un journal à la main. Le journal vient de sortir, lisez. Non, non, mais lisez. Et il s'affala sur une chaise, sans pouvoir rien ajouter. Le journal passa de main en main jusqu'à celle d'Isidore qui aussitôt chercha des yeux l'article qu'on voulait lui faire lire. Il n'eut pas à chercher longtemps. Il leva la main pour réclamer le silence. S'il vous plaît. Et lut à haute voix les révélations stupéfiantes qui réduisaient à néant tous ses efforts, bouleversaient ses idées sur l'aiguille creuse. Je vais lire cet article. Et marquaient la vanité de sa lutte contre l'invincible Arsène Lupin. Lettre ouverte de Monsieur Massiban, professeur émérite d'histoire de France. Monsieur le directeur du Grand Journal, de retour d'un voyage à l'étranger, j'ai lu dans votre journal les ultimes rebonds de la lutte entre Isidore Beautrelet et Arsène Lupin. L'épisode de la libération des otages du château de l'Aiguille Creuse a particulièrement attiré mon attention, car historien depuis de nombreuses années maintenant, j'ai fait de l'Aiguille Creuse mon sujet d'étude de prédilection. L'aiguille creuse, est le nom d'une cachette mythique dont le secret de l'emplacement passa de roi en roi depuis les antiques rois d'Angleterre jusqu'au malheureux Louis XVI avant de se perdre dans la nuit des temps. Lieu inexpugnable où l'on a caché un trésor formidable possédé par ses rois et qui s'est accru de siècle en siècle. Secret que Louis XVI, juste avant d'être décapité, fit passer à son épouse sous la forme d'un parchemin codé qu'elle eut le temps de dissimuler dans son livre de prière avant de partir elle-même pour l'échafaud. Secret depuis perdu à jamais. Une seule fois, il faillit être ébruité sous Louis XIV et celui-ci, prévoyant que le secret pouvait être divulgué, avait construit et baptisé un château, l'Aiguille Creuse, pour détourner les éventuels curieux de la vraie cachette. Du coup, on croyait connaître le mot de l'énigme, et comme nul trésor ne s'y trouvait, les recherches cessaient, et le formidable trésor caché des rois de France pouvait dormir à jamais. Deux siècles plus tard, Isidore Beautrelet tombé dans ce piège conçu pour d'autres. Oui, si Arsène Lupin l'a loué à M. Valméra sous le nom du baron Ranfredi, s'il y a logé là ses otages, c'était pour détourner le jeune Beautrelet de la véritable aiguille creuse. C'est pour qu'il tombe à son tour dans le piège historique de Louis XIV. Et par là, nous sommes amenés à conclure ceci. Lupin, avec ses seules lumières, a réussi à trouver l'indéchiffrable document confié par Louis XVI à sa malheureuse épouse, puis par le sortilège de son extraordinaire génie à le déchiffrer. Lupin, je l'affirme, connaît l'emplacement secret du trésor des rois de France, le royal secret de l'aiguille creuse, et c'est pour le protéger qu'il a ourdi sa complexe machination. La lecture finie, Beautrelet, écrasé par l'humiliation, lâcha le journal et s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. D'un geste doux, Valméras lui releva la tête. Isidore Beautrelet pleurait. Oui, je me suis trompé. Oui, mon interprétation du document codé était fausse. L'aiguille creuse n'est pas le château dans lequel mon père était enfermé, et le mot demoiselle ne s'applique pas à Raymond et à sa cousine, puisqu'il a été rédigé des siècles avant leur naissance. Tout est à refaire. Seule solution, retrouver le document secret caché par Marie-Antoinette dans son livre de prière. Il alla trouver le père d'un ami, expert reconnu de l'histoire des rois de France. Le livre de prière de Marie-Antoinette. Il avait été légué par la reine à sa femme de chambre avec mission secrète de le faire tenir au comte de Fersen. Pieusement conservé dans la famille du comte, il se trouvait depuis 5 ans dans une vitrine du musée Carnavalet. 20 minutes plus tard, Isidore était accueilli par le directeur du musée qui le mena devant la vitrine et lui montra un pauvre volume sans le moindre ornement et qui n'avait certes rien de royal. Beautrelet prit le livre d'un geste anxieux. Avec quel frisson il s'enquit de la poche dissimulée. Retrouverait-il le document légué par la reine à son ami fervent? À la dernière page, il vit tout de suite que le parchemin se détachait de la reliure. Il glissa les doigts. Quelque chose, oui. Il sentit quelque chose. Un papier. Oh, il est là. Il le déplia et les mots qu'il lut lui sautèrent au visage comme autant d'insultes. Trop tard, signé Arsène Lupin. Arsène Lupin. Il a tout découvert, lui. Et il a pris... Il a pris quoi? Le document, parbleu. Le document écrit par Louis XVI. C'est cela que j'ai tenu entre mes mains. Même apparence, même cachet rouge. Et alors? Et alors? Puisque le document dont je connais le texte est authentique, puisqu'il a suffi à Lupin pour découvrir le secret de l'aiguille creuse, pourquoi pas à moi? Je dois voir Monsieur Massiban. Je suis certain qu'il détient des renseignements qui me seront précieux. La seule certitude que m'a donnée l'étude de milliers de documents, c'est que l'aiguille Creuse se trouve quelque part dans le pays de Caux, au cœur même de la Normandie, entre Dieppe, Rouen et Le Havre. Et si je n'ai pu aller plus loin, c'est qu'il m'aurait fallu me rendre sur place et fouiller mètre après mètre ce berceau de notre civilisation. Et malheureusement, à mon âge, mais vous, avec votre jeunesse, votre intelligence. Il n'en fallait pas plus pour donner des ailes au jeune Isidore et s'est regonflé à bloc qu'il partit pour le vieil estuaire normand. Il commença aussitôt ses recherches. De bourgade en bourgade, de la Seine à la mer, le jeune Beautrelet fureta partout où il le pouvait. Était-ce ce coteau qu'il fallait interroger? Cette forêt? Les maisons de ce village? Était-ce parmi les paroles insignifiantes de ce vieux paysan qu'il récolterait le petit mot révélateur? Un matin, il déjeunait dans une auberge en vue d'Honfleur. En face de lui mangeait un de ces maquignons normands rouges et lourds qui font les foires de la région. Au bout d'un instant, il parut à Beautrelet que cet homme le regardait. Non. Je me trompe, je n'ai jamais vu ce marchand de chevaux et il ne m'a jamais vu. Bonjour, monsieur Beautrelet. Oui, c'est moi, mais... Mais vous, qui êtes-vous? Comment m'avez-vous reconnu? J'ai vu votre portrait dans les journaux. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas? Non. Non, je ne vous ai jamais vu. Pourtant, moi aussi, on publie mon portrait dans les journaux. Herlock Sholmès. Ah. Je suppose que si vous êtes ici, c'est à cause de lui. Oui. Alors vous croyez que nous avons des chances de ce côté? J'en suis sûr. Vous avez des preuves, des indices? Vous n'avez pas oublié Victoire, la vieille nourrice de Lupin. J'ai retrouvé sa piste. Elle habite une ferme sur la route du Havre. Par Victoire, j'irai facilement jusqu'à Lupin. Mais ce sera long. Qu'importe, j'ai lassé toutes mes affaires. Il n'y a plus que celle-là qui compte. Entre Lupin et moi, c'est une lutte à mort. Allez-vous-en, on nous regarde, c'est dangereux. Mais rappelez-vous mes paroles. Le jour où Lupin et moi serons l'un en face de l'autre, ça sera tragique. Quelle preuve encore apportait à Isidore le hasard de cette entrevue? La route du Havre, c'est la grande route du pays de Caux. La route maritime qui commande les falaises, et c'est dans une ferme voisine que Victoire s'est installée. Victoire, c'est-à-dire Lupin. Puisque l'un n'allait pas sans l'autre, le maître sans la servante, toujours aveuglément dévoué. Je brûle. Je brûle. Ce que Lupin a trouvé, il n'y a aucune raison pour que je ne le trouve pas. C'était Arsène Lupin, l'aiguille creuse, de Maurice Leblanc, troisième épisode. Avec Arnaud Bédouet, le narrateur, Martin Amic, Isidore Beautrelet, Geoffroy Lidevent, Louis Valméras, Albert Delpy, le père Charel, Paul Barrette, Herlock Sholmès, Hervé Furic, le père Beautrelet. Et Régis Chaussard, Selim Saber, Pascal Socroun, Natalia Corzo, Myrène Astré, Chloé Dabert, Jean-Paul Racodon, Catherine Artigala, Phil Steller, Alain Pérez, Sophie Gubry, Chantal Fontanesi. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Noélie Pellegrin, Dimitri Scapolan. Assistante à la réalisation, Delphine Lemaire. Réalisation, Michel Sidoroff.